Voilà, on a fait le point sur votre voiture et franchement, ça va vous coûter bonbon. On a dû remplacer tout le cylindre. Ignoré. Et on a aussi dû réparer le refroidisseur. Ignoré. Et changer le pi. Ignoré. Évitez les déboires financiers. Choisissez CarNext et adoptez une nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec 12 mois de garantie. CarNext. Des voitures de qualité en toute sérénité. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine, voire sur carnext.com. Aujourd'hui dans l'affaire sensible, l'affaire du Probo Koala, un cargo rempli de déchets venus de son plein gré, vider ses poubelles en Afrique, hein, pourquoi gêner ? Le 20 août 2006, au petit matin, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, se réveille asphyxié dans une odeur pestilentielle. Aux quatre coins de la ville, gît une boue mystérieuse et assassine qui entraînera la mort de 17 personnes parmi plus de 43 000 cas d'empoisonnement. Il s'agit en réalité de déchets toxiques en provenance du Probo Koala, navire débarqué la veille au soir à Abidjan, affrété par la société Trafigura, troisième négociant de pétrole sur la planète. Négligence et corruption, scandale écologique, errance des institutions internationales, crise politique ivoirienne, foule en colère et impunité générale, l'histoire de ce tanker à la coque bleue fait écho dans le monde entier jusqu'à devenir l'une des plus grandes catastrophes industrielles du XXIe siècle, selon Amnesty International. Mais comment un tel attentat contre la nature et l'homme a-t-il pu être possible ? Notre invitée aujourd'hui, Charlotte Nicard, experte environnementale et directrice de l'association Robin des Bois, qui mène campagne contre la pollution des sols et des eaux par les activités humaines. En 2010, elle a coécrit avec Bernard Dussol le livre intitulé « Le cargo de la honte, l'effroyable odyssée du Probo Koala » édité chez Stock. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 18 août 2006, golfe de Guinée, quelque part au large du Nigeria. À bord de son cargo, le commandant Sergei Tchertov, 43 ans, fait les 100 pas. Aller-retour impatient dans un dédale de coursives lugubres, néons, lino et amiante, le Probo Koala, 50 000 tonnes et 176 mètres de long, est typique des années 80. Depuis 5 mois, il est reparti sillonner les mers, approvisionnant les quatre coins de la planète en essence plus ou moins raffinée. Ce tanker à la coque bleue est un pur produit de la mondialisation. Construit en Corée, immatriculé au Panama, géré par une société grecque, conduit par 20 marins ukrainiens et finalement affrété par Trafigura, une multinationale installée aux Pays-Bas, fondée par deux Français et spécialisée dans le négoce d'hydrocarbures. J'espère que vous suivez. Et c'est Trafigura qui décide des itinéraires, de la vitesse, des cargaisons, des destinations, enfin de tout. Mais aujourd'hui, de destination, il n'y a plus. Et c'est bien pour cette raison que Tchertov s'impatiente. Après une dernière livraison au Nigeria, le Probo Koala est reparti les cuves vides. Ou presque. Ces cales, en effet, renferment à présent des résidus d'hydrocarbures et de produits chimiques appelés slop dans le jargon, soit 528 mètres cubes d'un mélange explosif puant jusqu'à la nausée. C'est le cauchemar de Tchertov. Oh, il a bien essayé de s'en débarrasser, mais de la grosse Salomé, personne n'en a voulu. Alors, il attend les ordres de l'affréteur Trafigura et met le cap sur rien. Finalement, son écran d'ordinateur clignote. Nouveau message. Bonjour, capitaine. Dès la réception de ce message, faites route sur Abidjan, Côte d'Ivoire, et procéder à toutes les formalités nécessaires pour réaliser le déchargement des déchets chimiques contenus dans la citerne à résidus. Prenez contact en ce sens avec l'agence Waves Abidjan. S'il vous plaît, veuillez nous tenir pleinement informés des mouvements du navire à Abidjan et des anomalies éventuelles constatées pendant les opérations. Quand l'opération de déchargement des résidus sera terminée, faites route sur Paldiski en Estonie. Signé Trafigura. Ce déroutement tardif sur Abidjan ne présage rien de bon. Mais Tchertoff n'a pas vraiment son mot à dire. Ce sera donc la Côte d'Ivoire, pays en guerre. Depuis 4 ans, le pays des éléphants est divisé en deux, entre le sud, tenu par les forces du président Laurent Gbagbo, et le nord, aux mains des rebelles, soutien de l'opposant Alassane Ouattara. La population, elle, est piégée au milieu de cette lutte de pouvoir. Elle est au bord de la crise de nerfs. Abidjan, pourtant, continue de tenir la première place des ports de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'un des poumons économiques de la Côte d'Ivoire et tout le monde aimerait bien avoir sa part du gâteau. C'est le cas d'un certain Salomon Ogbagbo, intermédiaire portuaire, figure locale et magouilleur notoire. Depuis 2 mois, il est officiellement un vitailleur maritime, spécialisé dans la vidange, l'entretien et le soutage des navires à l'escale. Bon, il ne connaît rien au métier, mais tout s'apprend, pense-t-il, surtout quand ça rapporte. Ce qui est d'ailleurs d'une facilité confondante. En quelques jours en effet, et en dépit des multiples irrégularités de procédure, il crée la compagnie Tommy, signée de la main du ministre des Transports lui-même. Son premier contrat sera donc le Probo Koala. Contacté par Puma Energy, filiale ivoirienne de l'affréteur Trafigura, il s'engage à débarrasser le cargo de ses slops. On lui précise bien que les résidus sont un mélange d'essence et de soude caustique avec une forte concentration de mercaptan, l'un des gaz les plus nauséabonds qui soit. Même à dose infinitésimale, ces relents soulèvent le cœur. Ainsi, les slops du Probo Koala doivent être considérés comme, je cite, « des résidus chimiques et être traités comme tels ». Salomon Ogbagbo ne saisit pas bien la nuance, mais dit oui à tout et propose un prix bien en dessous du marché. À aucun moment, Trafigura ne lui demandera la moindre garantie concernant le cycle de traitement des déchets. Il faut dire qu'à ce prix-là, c'est une aubaine. L'affaire est donc conclue, l'engrenage mortel est en marche. Cherche d'abord l'endroit où il pourra déverser le contenu des cuves du Probo Koala, autrement dit la plus grande décharge d'Abidjan, à Kouedo, 150 hectares de poubelles à ciel ouvert. De quoi s'agit-il, s'enquiert le responsable des lieux? Oh, juste les eaux sales d'un navire, répond Salomon, rien de bien méchant. Bon, reste à trouver les véhicules nécessaires pour le transport des déchets. 15 camions citernes, des chauffeurs discrets, payés au noir, voilà. Tout est en place. Tchertoff et son Probo Koala peuvent enfin accoster. Il est 10h ce matin du 19 août 2006, lorsque le gigantesque cargo entre à quai. Le pompage des cuves dure toute la journée. Et à la nuit tombée, le balai des camions citernes commence, direction de la décharge d'Akwedo. Dans l'envoyé spécial du 21 septembre 2006 sur France 2, l'un des chauffeurs témoigne à visage couvert. Nous, on n'a pas commencé à un instant que le bruit n'était pas bon. Puisque ce n'est pas un truc clandestin en tant que tel. Quand le bateau a accosté, les hommes en tenue de la gendarmerie et de la police, ils sont montés à bord du bateau. Ils ont fait au moins 1h à 1h30 à bord du bateau. Et ils sont descendus. Plus tard, 5 minutes après, les gars du service d'hygiène sont arrivés et ils sont montés à bord du bateau. Ça fait à peu près 40 minutes. Ils nous ont dit, bon, vous pouvez garer, vous commencez à charger. On a dit, ah, vraiment, nous, c'est pour l'assassin. Ils ont dit, non, vous pouvez charger, c'est de l'eau. Dès que vous avez versé, que vous lavez le camion, ça serait propre. Malgré l'odeur du produit, les chauffeurs sont rassurés. À 19h06, le premier camion citerne, escorté par la société Tommy, arrive sur la décharge d'Akwedo à 12 km du port d'Abidjan. En vérité, le cahier des charges du district interdit le déversement de déchets toxiques. Mais bon, tout le monde laisse faire. Le chauffeur ouvre donc la vanne de sa citerne. 36 tonnes de déchets sont déversées sur le sol, glissent sur les ordures et ruissellent en eau sombre. L'odeur est insoutenable, épaisse, un mélange d'œufs pourris, d'ail et de carburant. Le chauffeur n'en peut plus et refuse de faire une deuxième rotation, bien trop pressé de respirer l'air frais. La nappe, elle, s'étale et se répand au gré des vents. Très vite, le village d'Akwedo, 6000 habitants, est envahi par les effluves. À 2h du matin, les femmes sortent dans la rue, les bronches en feu, mains et pagnes pour se protéger la bouche. Les toux se répondent en écho dans le village. Certains saignent déjà du nez, tous ont la sensation d'étouffer. présent sur les lieux, l'agent de la décharge finit lui aussi par craquer. Il refuse désormais l'accès à tous les camions citernes qui s'accumulent déjà devant les portes d'Aqueddo. Une dizaine de chauffeurs se retrouvent livrés à eux-mêmes, cuves pleines. Témoignage de l'un d'entre eux d'envoyé spécial. C'est le dimanche matin, à partir de 10h, ouais. Les camions qui étaient déjà chargés, qui ne savaient plus où aller. Puisque à Aqueddo, on ne pouvait plus partir, puisque le dev est déjà éclaté, donc la village d'agents sont sortis partout. Donc on appelle le responsable de la société Tommy, les téléphones sont fermés. Donc ça veut dire maintenant, sauf qui peut. Sûrement, c'est à partir de ce moment qu'il y a eu ces scandales-là. Oh oui, sauf qui peut. Les chauffeurs doivent se débarrasser au plus vite de leur cargaison sous peine de gros ennuis. Ils prennent donc la route au hasard à travers la ville à la recherche du premier site disponible, discret surtout. En contrebas d'un village, là, à l'orée d'une forêt, là, dans un caniveau ou une usine désaffectée. Durant toute la nuit, les chauffeurs répandent les slops toxiques du Probo-Koala aux quatre coins d'Abidjan, 14 sites au total. Dimanche 20 août 2006, au petit matin, la ville et ses 4 millions d'habitants se réveillent en suffoquant. À la décharge, l'Aqueddo, la plus lourdement touchée, on commence déjà à s'organiser pour partir au plus vite. Image surréaliste d'un exode moderne où des familles entières, la main sur le nez, fuient un ennemi invisible, la mort sans l'œuf pourri. Dans la ville, des camions citernes circulent encore. Les chauffeurs les plus malchanceux, ou les moins malins, ne sont pas encore parvenus à vider leurs déchets. Certains abandonneront leurs véhicules au bord de la route. D'autres revendront les slops au marché parallèle. Oui, une pratique courante en Afrique, où le peu d'essence que contiennent encore ces résidus fait tourner quelques moteurs. Traqués, les chauffeurs se cacheront ensuite des jours entiers, car la population terrorisée cherche déjà des coupables, qui sont autant de boucs émissaires, tous menacés de mort. Oui, on nous a menti. Et tout ce qu'on peut dire comme message envers la population, que vraiment, nous sommes des frères. Nous ne pouvons pas prendre des déchets pour nous tuer notre propre frère. Qu'ils pensent aussi à vraiment qui sont les coupables. Nous ne pouvons pas prendre des déchets pour tuer nos propres frères. Alors qui ? Pour remonter vers l'origine du mal, rien de plus facile, il n'y a qu'à suivre l'odeur à la trace, jusqu'au Probo Koala, clairement identifié. Pourtant, le 22 août 2006, deux jours après les premiers déversements sauvages, le cargo bleu quitte le port d'Abidjan sans autre forme de procès. Les pièces à conviction prennent large, direction le port de Paldiski, en Estonie. La ville d'Abidjan, elle, plonge dans un peu plus de grand chaos révolté d'être ainsi le dépotoir des pays riches. De folles rumeurs enflamment les imaginations et font les gros titres de la presse. Déchets radioactifs, attentats terroristes, armes chimiques. Une psychose s'empare de la ville. Et dans la rue, les émeutes se multiplient. Les hôpitaux, eux, sont pris d'assaut. Tous les malades décrivent les mêmes symptômes. Saignement de nez, vomissement, diarrhée, céphalée, toux persistante, irritation des yeux et des poumons. Comment témoigne cette médecin du dispensaire de Cocody ? Ça aura peut-être des conséquences après. On ne sait pas jusqu'où. Là, tu sens les picotements. Il sent les picotements. On va essayer de laver, on va essayer de protéger le visage. Mais... Et après, si ça picote, c'est que c'est passé. Qu'est-ce que ça va devenir ? Qu'est-ce que ça va donner ? Je trouve ça gravissime. Je n'arrive pas à comprendre, à concevoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'ils étaient pas, ils savaient pas que c'était des déchets toxiques qui venaient déverser ? Est-ce qu'ils savaient ? Ah là, je trouve ça inhumain. Les premiers décès sont constatés. Il s'agit de deux fillettes de 4 et 9 ans souffrant de complications respiratoires. Et jour après jour, le bilan s'alourdit. Bientôt, 8 morts et près de 70 000 consultations. Pire encore, on craint à présent une épidémie de choléra. En effet, depuis le passage des camions citernes dans la décharge d'Aqueddo, le site est fermé. Les ordures ménagères s'entassent alors sur les trottoirs, sinistrant des rues entières. Si ce n'est pas l'enfer, ça y ressemble. D'ailleurs, en boîte de nuit, une nouvelle danse fait fureur, la toxicana à pratiquer en se bouchant le nez. Les pouvoirs publics, eux, sont hagards, terrés dans un silence coupable. Comment se battre contre une odeur ? Durant deux semaines entières, ni le président ivoirien Laurent Gbagbo, ni son gouvernement ne disent mot. Non, aucun ordre d'évacuation n'est lancé, aucune solution n'est apportée. Jusqu'à ce 6 septembre 2006, qui résonne comme un coup de tonnerre. Depuis Yamoussoukro, la capitale politique, le premier ministre Charles Colin Banni prend enfin la parole et déclare « La situation est grave et exige une réponse grave ». Avant d'annoncer la démission de son gouvernement, une décision sans précédent dans l'histoire constitutionnelle de la Côte d'Ivoire. De catastrophe écologique en crise sanitaire, l'affaire du Probokoala devient politique. Les médias du monde entier s'en emparent, enfin. Et le 8 septembre 2006, trois semaines après la funeste escale du cargo, le JT de France 2 lui consacre son ouverture. L'odeur pestilentielle apparaît un matin d'août. Très vite, 1500 personnes vont être intoxiquées. Trois d'entre elles vont mourir. Tous les quartiers touchés ont un point commun, situé à côté d'une décharge. Or, cette nuit-là, une noria de camions-citernes vient y vider en toute illégalité 400 mètres cubes de produits toxiques, provenant des cuves d'un navire venu vidanger dans les installations portuaires d'Abidjan. Dans le chaos ivoirien, les manifestations, les barrages que provoque la colère des victimes entraînent la démission du gouvernement. Une équipe de 5 spécialistes français arrive ce soir à Abidjan pour expertiser les déchets et prescrire les bons traitements. Dans la matinée du 9 septembre 2006, une délégation d'experts français appelée à la rescousse débarque sur la décharge d'Akouedo et sur les autres sites contaminés identifiés. L'odeur y est encore insupportable. Les premiers résultats scientifiques mettent en évidence la présence d'hydrocarbures aromatiques persistants, de mercaptans et de molécules organosoufrées. Pour dépolluer les sites, deux options sont préconisées. La construction d'un bunker sur le sol ivoirien ou la réexportation des déchets en Europe pour y être traité, autrement dit, retour à l'envoyeur. C'est cette solution qui est finalement choisie, mise en œuvre par le groupe français Trédit. L'opération va durer 2 mois, mobiliser 60 tonnes de matériel et 40 techniciens vêtus de combinaisons blanches et de masques respiratoires. À leur côté, des enfants à haillons, pieds nus, continuent de fouiller la décharge à la recherche de tout ce qui pourrait encore se vendre. Pendant ce temps, le gouvernement ivoirien tente de chiffrer l'ensemble des conséquences environnementales, sociales, sanitaires et économiques de la catastrophe. Aux premières estimations, la facture s'élève à 100 milliards de francs CFA, soit 152 millions d'euros. Reste à savoir qui va payer. L'enquête est lancée avec en ligne de mire, et c'est logique, Trafigura, l'affréteur du Probokoala. En attendant, c'est au sein de la classe politique ivoirienne que les têtes commencent à tomber, espérant ainsi calmer une population excédée. Ainsi roule sur le bio de l'incurie le gouverneur du district d'Abidjan, le directeur général des douanes, du port et des affaires maritimes. Ils sont tous limogés. La dernière victime sera le ministre des Transports, Innocent Anaki, qui avait lui-même signé l'agrément de Salomon Mbangbo et de sa jeune société Tommy. Le 15 septembre 2006, le ministre est tabassé par une foule en colère. Sa voiture est incendiée. Quelques jours plus tard, il s'exprime devant les caméras de France 2. Au niveau du ministre, lorsque le dossier arrive avec la signature et l'accord du directeur des affaires maritimes, il s'agit pratiquement d'une affaire qui est déjà totalement bouclée et la signature du ministre est pratiquement de pure forme. C'est tout. Là où, à mon avis, il y a une grande question à se poser, c'est comment ça se fait que ceux qui représentent les armateurs de Trafigura, c'est-à-dire la société Puma Énergie ici en Côte d'Ivoire, a pu accepter de confier ce marché, qui est un marché très spécialisé, très délicat, à la société Tommy, sans prendre la précaution d'abord d'aller visiter leur installation et vérifier qu'ils avaient la compétence qu'il fallait pour traiter cela. À Abidjan, c'est bien la question que tout le monde se pose. Comment des déchets chimiques embarqués sur un navire en provenance d'Europe se retrouvent-ils bazardés au hasard dans une ville ? Une cité ou de surcroît, il n'existe aucune infrastructure de traitement, contrairement à ce qu'on trouve en Europe. Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter la piste nauséabonde du Probokoala. Une manière d'explorer au nez les coulisses du négoce pétrolier et de respirer au passage les relents de la corruption africaine. Un couple pour dénoncer l'échec, africain surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher, à quand le procès? Une parole pour honorer nos pères. ces soldats tombés dans leur cœur, victimes effacées de leur dossier, dossier déjà classé. Ce n'est qu'une chance, ce n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. Yelena, je chante pour ne pas accepter. Yelena, en chanson, un refrain pour soutenir les frères expulsés du territoire français, reconduits, menottés aux frontières, frontières pour un destin tracé, une ligne pour dénoncer nos travers. Tradition n'est pas toujours sagesse. Africains, on ne l'est pas qu'au passé. Passons à la suite assez. Ce n'est qu'un chant, ce n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. Yelena, Yelena, je chante pour ne pas accepter. Yelena, ma chanson. En Côte d'Ivoire maintenant, deux cadres français de la société Trafigura, affréteurs du navire qui a déchargé les déchets toxiques à Abidjan, ont été inculpés aujourd'hui d'infraction à la législation sur les déchets toxiques et d'empoisonnement. Ils ont été écroués à la maison d'arrêt d'Abidjan. Je vous rappelle que les déchets déversés sur plusieurs sites de la capitale économique ivoirienne ont provoqué la mort de 7 personnes. Trafigura se dit choqué par l'arrestation des deux hommes. Qu'est-ce que cette société aurait à se reprocher précisément, Emmanuel Leclerc ? Il faut savoir que Claude Dauphin est tout simplement le fondateur de Trafigura, l'affréteur du Probokoala, le navire au cœur du scandale. Depuis le départ, la société Trafigura, spécialiste du transport de produits pétroliers basée fiscalement aux Pays-Bas, un siège en Suisse et des bureaux à Londres, multiplie les communiqués pour affirmer sa bonne foi. C'est une agence française spécialisée qui gère ses communiqués de crise. On peut lire que Trafigura n'a violé aucune convention internationale et locale. Les deux Français s'étaient d'ailleurs rendus en Côte d'Ivoire pour, disent-ils, une mission humanitaire en fournissant des experts et des médicaments. Le groupe était même prêt à participer au rapatriement des déchets. Les autorités ivoiriennes soupçonnent en fait Trafigura d'avoir menti sur la nature de sa cargaison toxique, à l'image de Greenpeace. Le 18 septembre 2006, un mois après le déversement sauvage des déchets toxiques du Probokoala à Abidjan, Claude Dauphin, cofondateur et PDG de Trafigura, ainsi que son associé Jean-Pierre Valentini, sont arrêtés en Côte d'Ivoire. Ils sont accusés d'empoisonnement collectif et d'infraction à la législation internationale en matière d'exportation de produits dangereux. Peu à peu, l'affaire du Probokoala devient l'affaire Trafigura, ce qui n'est pas pour déplaire au pouvoir ivoirien. En incarcérant ces deux hauts responsables français, le gouvernement espère ainsi calmer la révolte populaire, un souci permanent depuis le début de la crise. Du côté de Trafigura, troisième négociant de pétrole sur la planète, rappelons-le, c'est panique à tous les étages. En coulisses, d'âpres négociations s'engagent, tandis que la multinationale multiplie les communiqués de presse. Son cofondateur, Éric de Turckheim, réagit dans les médias et déclare que si son entreprise veut bien endosser une responsabilité morale, elle n'y est légalement pour rien. Et d'ailleurs, de quoi parle-t-on exactement ? Trafigura niera jusqu'au bout la nature toxique de ses déchets, s'appuyant sur des rapports d'experts à l'indépendance douteuse. Dans l'émission Complément d'enquête, diffusée sur France 2 le 23 février 2007, Éric de Turckheim persiste et signe. Toutes les analyses disponibles du produit en question montrent que le produit ne pouvait pas être toxique pour l'homme en tant que tel, c'est-à-dire qu'il n'était pas capable d'émettre des gaz qui pouvaient donc avoir un impact important sur l'être humain. Le 13 février 2007, 5 mois après l'incarcération des deux responsables français de Trafigura, un accord est finalement signé. La multinationale s'engage à verser 152 millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour nettoyer la ville, indemniser les victimes, et le gouvernement ivoirien. En contrepartie, Claude Dauphin et Jean-Pierre Valentinis sont libérés dès le lendemain. Mais Trafigura insiste. L'argent versé ne représente pas un dédommagement, non, ni un aveu de culpabilité. Pour elle, c'est d'abord la faute de la société Tommy et de son directeur Salomon Ngbongbo. Ce dernier sera condamné en 2008 à 20 ans de prison. Un an plus tard, en septembre 2009, un nouvel accord amiable est signé à Londres entre Trafigura et 30 000 victimes ivoiriennes. Montant de la transaction, 34 millions d'euros en échange de l'absolution. Désormais, aucun décès, ni même aucune maladie grave, ne peut être imputé au slop du Probokoala. Et, gare à ceux qui évoquent les 17 morts empoisonnés, la BBC, par exemple, sera poursuivie en diffamation et condamnée à verser 28 000 euros. Alors, on achète son innocence et on n'en parle plus, un gros chèque et puis s'en va? Pas tout à fait. Puisque l'affaire rebondit, finalement, en Europe, aux Pays-Bas plus précisément, où le Probokoala a laissé, ici aussi, quelques effluves nauséabondes. Petit retour en arrière. Car l'affaire du Probokoala commence en réalité en juillet 2006, un mois et demi avant la catastrophe d'Abidjan. Après avoir servi de raffinerie flottante et désulfuré en pleine mer un pétrole de mauvaise qualité, le tanker se retrouve encombré par 500 mètres cubes de résidus à l'odeur insupportable. Pour s'en débarrasser, contrat est passé avec une société néerlandaise spécialisée, Amsterdam Port Service. Une opération banale au départ. Theo Smith, le responsable de cette société, se souvient de l'arrivée du cargo le 2 juillet 2006. Il en témoigne face aux caméras de France 2. Nous avons reçu un appel du bateau. Il voulait nous livrer environ 250 mètres cubes de déchets d'essence à recycler, légèrement pollués par de la soude caustique. Elle est utilisée pour le dégraissage des réservoirs. C'est un produit que nous recevons quotidiennement, mais il est devenu très vite évident que celui du Probokoala était extrêmement toxique. Vous aviez déjà vu un taux aussi élevé ? Non, celui-ci était extrêmement élevé. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'était très toxique ? Oui. Extrêmement pollué, même l'odeur était terrible. À cause de l'odeur des produits, justement, la société interrompt la vidange du bateau. Dans son laboratoire, les analyses vont montrer que les déchets sont 100 fois plus toxiques que les normes acceptables. Le coût du traitement n'est plus le même, 250 000 euros au lieu des 15 000 prévus. Trop cher, estime Trafigura. Alors 3 jours plus tard, le Probokoala repart avec ses slops, sans que les autorités portuaires d'Amsterdam ne l'en empêchent. Une négligence aux conséquences dramatiques. Le cargo trouvera finalement son salut à Abidjan. La suite, on la connaît. Trafigura achète son innocence. Mais c'était sans compter sans la vigilance de Greenpeace, qui porte plainte contre la multinationale devant la justice néerlandaise. Le procès s'ouvre le 1er juillet 2010, 4 ans après la catastrophe d'Abidjan. Il ne porte que sur les infractions antérieures au déversement des déchets, c'est-à-dire sur l'exportation de substances dangereuses interdites par la législation européenne. Drôle de procès en réalité, puisque ni les accusés ni les victimes ne sont présents dans la salle d'audience. Peu importe, 3 semaines plus tard, le 23 juillet 2010, Trafigura est définitivement condamné à une amende d'1 million d'euros. Réaction au micro de RFI de Denis Eyao Pipira, président de la Fédération nationale ivoirienne des victimes des déchets toxiques. Je crois que c'est déjà bon à prendre comme décision. C'est un début de décision pour nous. Parce que c'est la première fois que Trafigura est condamné devant une juridiction. Je dis bien une juridiction. Donc cela est bon à prendre. Que ce soit pour l'escale ou pas. Mais je crois que on ne peut pas condamner l'escale et ne pas condamner à l'avenir le déversement. Ce serait ambigu, ce serait inconcevable. Donc nous croyons que dans les jours à venir, on pourra aussi obtenir un procès sur le déversement de ces déchets-là à Abidjan et sur le grand préjudice qu'on a causé à ces milliers de personnes à Abidjan. Douze ans plus tard, donc aujourd'hui, sur la décharge d'Aquette d'eau, il suffit d'une averse pour réveiller les peurs. Dès que tombe la pluie, l'odeur revient toujours aussi forte. C'est l'odeur amère de l'impunité. Aujourd'hui encore, ils sont des dizaines de milliers à se battre pour obtenir reconnaissance et compensation. On leur avait promis 1150 euros par personne en échange de leur silence. Mais victimes des déchets toxiques, ils sont devenus ceux de la corruption ordinaire. Entre le bureau londonien de Trafigura et Abidjan, une partie de la somme s'est volatilisée. Et puis le boulanger Bagbo a quitté la présidence au terme d'une crise qui a fait plus de 3000 morts. En 2010, l'arrivée au pouvoir de son adversaire Alassane Ouattara suscitera beaucoup d'espoir. En vain. Sur les marches de sa petite maison de fortune, Herman Kwame, lui, attend toujours. En 2006, il a passé 3 mois à l'hôpital. Il venait de terminer ses études informatiques, mais n'a jamais pu travailler devant un ordinateur à cause de maux de tête incessants. « Cela fait 10 ans que je me sens abandonné, dit-il. On a pris notre terre pour un dépotoir, on nous a pris pour des bêtes prêtes à être sacrifiées, tous ont choisi le crime pour l'argent. Il est temps que justice soit faite. » Ouais. Y croit-il seulement encore ? Je vois des grandes Tchernobyl en puissance, je vois des animaux clonés, des millions de tonnes de pétrole en souffrance sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance, on accélère, on tourne en rond. Les super productions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle attitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez-vous? De matière, cette montagne de déchets, des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire? Pas ceux qui payent l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Que la nature assure, les animaux s'en sortent, que le point de rupture ne soit pas l'être mort. Après nous le déluge, bombardé de neutrons, l'univers qui nous juge nous donne le frisson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez passer de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire du Probo Koala avec notre invitée Charlotte Nittard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes experte environnementale et directrice de l'association Robin des Bois qui mène campagne depuis la fin des années 80 contre la pollution des sols et des eaux par les activités humaines et en particulier commerciales. En 2010, vous avez écrit avec coécrit avec Bernard Dussol ce livre que j'ai en main, Le cargo de la honte, l'effroyable odyssée du Probo Koala, édité chez Stock. Alors quand on voit effroyable, on se dit oulala, le mot est fort, mais pas du tout, ça colle bien avec ce qui s'est passé. C'est une histoire épouvantable. Épouvantable du début à la fin, hein, absolument, avec tous les ingrédients, la corruption, l'argent, le bénéfice immédiat au détriment de la santé des populations, des intimidations de cabinets d'avocats, de la tentative de division des victimes en offrant à certaines des voyages mirobolants, des collectifs divisés de victimes aussi, enfin vraiment une affaire tentaculaire avec tous les ingrédients pour mener à la catastrophe, avec aussi des lacunes dans l'application du droit dans les pays européens. malgré quand même tous les retours d'expérience qu'il y a eu de précédents transferts de déchets toxiques vers l'Afrique, on pensait en 2006 que ces transferts étaient sous contrôle, étaient interdits et réellement dans la pratique. Or, le Probo Koala a montré que finalement, on faisait un bond en arrière dans les années 80. Et y compris en Europe, qui essaie de mettre en place des règles communes, communautaires, parce qu'il y a cet épisode des Pays-Bas aussi. Le verre est dans le fruit à partir des Pays-Bas. Absolument, et c'est vraiment, il y a une responsabilité de l'Europe, des Pays-Bas, plus de l'Estonie, parce qu'après, le navire a fait une escale à Paldiski, avec toujours ses déchets à bord, avec en plus de ça, des institutions qui sont bien installées, qui sont avec des agents correctement payés, avec a priori une absence de corruption, avec la mobilisation de douaniers, de police criminelle, vraiment beaucoup de compétences qui sont mobilisées à Amsterdam, et malgré tout, les déchets qui avaient commencé à être déchargés, dont on savait qu'ils étaient toxiques, qui sont rechargés à bord du bateau, et le bateau qui file dans un autre pays européen, puis après vers l'Afrique. Donc là, il y a vraiment un manquement, un scandale au niveau européen, d'abord. Alors, aggravé par la mondialisation, on l'a dit, ce bateau, il vient de partout, il est construit par petits bouts, donc ça échappe à tout contrôle, en fait. Alors, c'est la globalisation, la mondialisation dans toute sa splendeur, avec une coupe pétrolière, avec des composés soufrés en très haute quantité, qui provient du Mexique, un chargement au Texas, enfin après aux États-Unis, après le bateau qui part et qui fait de la transformation de produits pétroliers au large de Gibraltar, tout ça sur un bateau pavillon panaméen, avec un gestionnaire grec, une société dont le siège social, donc Trafigura, dont le siège social est en Suisse, mais le siège fiscal aux Pays-Bas, le siège stratégique à Londres, plus vraiment toute une toile d'araignée qui est volontaire de la part des industriels pour brouiller les pistes, diluer les responsabilités des marins russes et ukrainiens, et à la fin la Côte d'Ivoire. On peut noter quand même, il y a des lueurs d'espoir, que certains pays africains ont refusé de prendre ces déchets. Il y a eu des précédentes escales à Lagos où ils n'en ont pas voulu. Alors, vous êtes allé enquêter donc avec Bernard Dussol dans cette affaire. Alors, vu la dimension de la corruption qu'il y a là-dedans, quelles ont été les difficultés rencontrées au cours de votre enquête ? Alors, d'abord, ce qui a facilité l'enquête, pour commencer, c'est que j'étais sur place dès le mois de septembre pour recouper les informations, parler avec les populations locales, pour essayer de collecter les informations sur le navire et son itinéraire et aussi ce qu'il avait fait, parce que le problème c'est que ce navire a été utilisé comme raffinerie flottante. Ça n'a pas été un vecteur de transport comme normalement un navire est, ça a été une usine. Donc enquêter, être sur place et puis aussi être intégré à la commission internationale d'enquête nommée par le gouvernement de Côte d'Ivoire, ce qui a permis de rencontrer beaucoup des protagonistes et de voir aussi quels étaient ceux de mauvaise volonté. Et dans le monde maritime, ils étaient quasiment tous de mauvaise volonté, que ce soit aux Pays-Bas ou bien en Estonie. Après, les difficultés, eh bien, c'est ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire c'est tentaculaire, il y a une volonté de brouiller les pistes, et puis de l'intimidation de la part de Trafigura, qui a nié jusqu'au bout, vous l'avez évoqué. Si les dirigeants ont été sur place, c'était en tant que citoyens du monde, alors très aidés par des cabinets de communication et des cabinets d'avocats très puissant, donc voilà, des pressions importantes. Et on va entendre pire maintenant, une archive qu'on va écouter ensemble, extraite de complément d'enquête diffusée sur France 2 le 12 février 2007. Alors il s'agit d'une déclaration d'Éric de Turckheim, le cofondateur français de Trafigura. À la fin de l'interview, il livre le fond de sa pensée, alors le vrai fond de sa pensée sur toute cette histoire, oubliant que la caméra tourne toujours. C'est malheureux à dire parce que il y a quelqu'un qui m'a dit mais finalement, vous auriez déchargé en mer, ça vous aurait coûté beaucoup moins cher. C'est vrai, j'aurais pris une amende de 1 million de dollars, et puis ça aurait été terminé. C'est même pas... Trafigura, ça n'aurait jamais sorti. C'est le bateau, on aurait dit, ah ben il y a un bateau, là, le Probo Koala, il a dégazé en mer, qu'est-ce que ça allait, c'est un prof. Amende. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ah bah écoutez, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que les transferts, les exportations de déchets, en particulier vers l'Afrique depuis l'Europe, se sont développées à partir du moment où l'immersion de déchets en mer en Europe a été interdite et où les réglementations étaient beaucoup plus sévères. Donc interdiction de l'immersion, interdiction de l'incinération en mer, c'est là que ça s'est compliqué, que ça a coûté plus cher de traiter à terre les déchets et qu'il y a certaines sociétés qui ont voulu les exporter à bas coût vers l'Afrique. En fait, s'ils l'ont pas immergé, c'est pas seulement parce qu'ils n'y ont pas pensé ou que voilà, c'est parce que techniquement c'était très pâteux et que ça aurait été compliqué d'un point de vue technique, d'un point de vue pompage. Donc l'opacité de ce milieu-là, c'est bon, apparemment c'est naturel, quoi, ça fonctionne comme ça. Alors, et vous luttez contre ça, vous, contre l'opacité ? Ah, on lutte contre l'opacité du monde maritime. On lutte contre l'industrialisation de la mer, parce que c'est une tendance très forte et très préoccupante dans ce sens où vous avez de plus en plus d'activités, que ce soit des centrales nucléaires flottantes ou bien aussi, on peut dire des usines éoliennes en mer. Alors, c'est pas comparable, mais quand même, c'est une industrialisation de la mer, de l'espace maritime, des exploitations de nodules polymétalliques et une absence quasiment totale de contrôle de cette haute mer. Avec, il y a eu des progrès depuis le Probo Koala dans ce sens où, l'organisation maritime, internationale a interdit maintenant le mélange et la fabrication de produits à bord des navires. Donc c'est bien, ça c'était en 2014, ils ont mis 8 ans pour l'écrire noir sur blanc. Cependant, en termes de contrôle, c'est quasiment inexistant et... À l'heure actuelle, Trafigura est visé parmi d'autres par une enquête qui se déroule aux Pays-Bas, parce qu'ils ont fait des analyses de produits pétroliers qui étaient destinés au marché africain, et que ces produits pétroliers sont notamment mélangés, entre autres, sur des bateaux en haute mer, avec des produits pétrochimiques, et donc ont des teneurs en soufre, notamment, et en produits cancérigènes qui explosent toutes les normes européennes. C'est destiné au marché africain, et donc ça recommence, parce qu'il y a cette absence de contrôle de la haute mer. Bien sûr. Alors, quelques questions très concrètes. Les victimes ont-elles toutes obtenu réparation en Côte d'Ivoire, ce fameux chèque là de 1150 euros ? Non, elles n'ont pas toutes été indemnisées, loin de là. Il y avait des estimations, alors c'est difficile à dire, c'était le Trésor public ivoirien qui estimait que c'était 60% des victimes qui avaient été indemnisées. Sincèrement, c'est très difficile à savoir. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, il y a plusieurs milliers d'Ivoiriens qui se battent toujours, il y a des procédures toujours en cours aux Pays-Bas pour avoir ce fameux chèque. Écologiquement, on en est où aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire que les sols contaminés d'Abidjan ont été correctement dépollués ou non ? Alors, le gros de la pollution a été évacué, donc c'était en 2006, tout de suite après l'événement par Trédi, c'est arrivé en France. On aurait souhaité que ça arrive aux Pays-Bas, ça aurait été un juste retour des choses, mais les autorités néerlandaises ont refusé. Oui, ça a été, d'après le dernier rapport de l'ONU, ça a été correctement dépollué. Maintenant, il y a un certain nombre de déchets qui sont restés sur place après décembre 2016 et le départ de Trédi. Il y a eu des fortes pluies dessus, des pluies tropicales bien entendu, et il est très difficile de savoir en profondeur dans les nappes phréatiques et dans les sous-sols quel est encore à l'heure actuelle l'impact de ces déchets qui se mélangent, il faut être clair, avec notamment dans la lagune, avec le flux chronique de déchets, puisque l'assainissement et la gestion des déchets n'est pas exemplaire en Côte d'Ivoire. Charlotte Nittard, on se retrouve dans 3 minutes pour continuer à parler de cette catastrophe. C'est une affaire emblématique dans ces affaires-là. Oui, quoi, là. Absolument. À tout de suite. Tout de suite. I yearn, watch paradise burn. Dows the flame, will it ever end? built the ark. Now the choice is stark. Came two by two. Will it come for you? Noah built the ark before the day was dark. Run from the fray. You must sail away. And the waters rise. Thunder in the sky. Side to side. Bien, alors on vient à notre sujet, le Probo Koala, le cargo de la honte, comme le titre, le livre que vous avez coécrit avec Bernard Dussol. Est-ce qu'on peut être optimiste pour la suite tout de même? On l'a un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que Trafigura a appris de ses erreurs? Est-ce qu'elle s'est engagée dans une démarche, on va dire, plus verte, en tout cas moins noire? Il y a eu des retours d'expérience dans le sens où ils ont embauché très rapidement un spécialiste des affrètements et quelqu'un de compétent pour les conventions internationales qui traitent du transfert de déchets et de la pollution marine. Ça leur a quand même coûté très cher. Ils n'ont été condamnés devant la justice que à 1 million d'euros. C'est très faible et ça, on le regrette. Mais cependant, en frais d'avocat divers, ça leur a coûté vraiment un gros paquet de pognon, au moins 300 millions. Donc c'est dans leur intérêt, si vous voulez, c'est pas des gens, c'est pas des philanthropes. Donc il y a un retour d'expérience par la force des choses parce que ça leur a coûté cher. Ce qu'on remarque, parce que j'étais en Côte d'Ivoire encore il y a quelques semaines, c'est qu'il y a un retour d'expérience dans les pays, du moins de l'ouest de l'Afrique. Ça a été traumatisant, donc il y a une vigilance beaucoup plus soutenue et ce qui s'est passé ne pourrait pas, du moins au cours des prochains mois ou années, tant que la mémoire est encore vive, se reproduire. Alors, on va sortir un peu du champ du Probo Koala pour parler avec vous, dans les 6 minutes qui nous restent, d'une notion importante, qui est celle de l'écocide. Et puis, on parlera aussi de la situation en France. On va écouter ensemble une deuxième archive datée du 6 octobre 2016 sur cette antenne de France Inter. Il s'agit d'une interview de la juriste Valérie Cabanne, qui se bat pour la reconnaissance d'un crime contre la Terre et les générations futures. On parle alors d'écocide. Alors, qu'est-ce que ça changerait ? Alors, ça changerait le fait que nous prenions en compte véritablement les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'humanité, en particulier sur les générations futures, du fait du franchissement de ces fameuses limites planétaires qui nous ont fait basculer dans un état pour lequel nous ne sommes pas préparés. C'est-à-dire, par exemple, l'acidification de l'océan, toute la chaîne alimentaire aujourd'hui est menacée à cause de ça. La concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui engendre le changement climatique que l'on connaît et qui va affecter progressivement toutes les populations les plus vulnérables du monde. Je pense à l'érosion de la biodiversité. Nous sommes rentrés dans une sixième extinction des espèces. Tous ces phénomènes ont été créés par les activités industrielles de l'homme et ont changé notre ère géologique. Et donc, il est véritablement temps aujourd'hui de faire évoluer le droit international pour reconnaître effectivement ces bornes à ne pas dépasser. Charlotte Nittard, écocide. Alors le mot est pertinent, hein, parce qu'avec le suffixe acide qui veut dire tuer, oui. Et éco, l'écosystème, c'est une vraie grande idée. Vous y adhérez, cette notion d'écocide, et vous êtes dans cette mouvance-là. Oui, on bien est sûr, dans, j'imagine. On adhère à cette notion. Bon, fallait-il créer un mot, un néologisme? Bon, ça permet de fédérer les forces. Ce qu'il faut, effectivement, et ce que ça vise, c'est à ce qu'au niveau du droit international, et en particulier de la Cour pénale internationale, ces crimes soient punis. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et on espère que ça va aboutir. C'est long, hein. Tout ça c'est long, hein. C'est un terme, c'est un concept, la première fois que ça a été utilisé c'était dans les années 50, voilà, ça progresse lentement, oui. Très lentement. un demi-siècle plus tard. Mais ça progresse lentement mais sûrement. Cependant, ce qu'il faut aussi, c'est que toutes les lois, alors bon, ça paraît un peu bêta à dire, mais toutes les lois, les conventions internationales qui existent d'ores et déjà et qui punissent les crimes environnementaux, la criminalité faunique et les atteintes à la santé humaine, toutes ces lois qui existent d'ores et déjà, il faudrait qu'elles soient aussi appliquées, y compris en France. Vous m'avez parlé de l'idée phonique, donc la pollution par le son, par le bruit, c'est ça? Non, la criminalité non. Phonique, non, ah bon, non, phonique, FAU, donc la l'extermination des derniers rhinocéros, des derniers éléphants, pangolins et d'accord. autres. Ceci dit, la pollution acoustique est aussi importante, est un facteur de stress, et absolument. Certaines études montrent aussi que ça a des impacts sanitaires importants, notamment sur le système cardiovasculaire. Parlons de votre association et de ses activités, Robin des Bois. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Robin des Bois, c'est une association généraliste, protection de l'homme et de l'environnement. Créé en 1985, et nous, ce qu'on fait, c'est des enquêtes de terrain, c'est des synthèses, c'est du lobby, de la participation, de la concertation à des instances nationales ou internationales. On est observateur dans des conventions internationales. On a des modes d'action très divers, tout ce qui peut être efficace, mais on est des urgentistes, c'est-à-dire que on est sollicité à la fois sur des grands dossiers comme celui du Koala, ou bien les déchets dans l'espace, où là on s'auto-sollicite pour être et tout à fait exact, mais aussi à cause de décharges sauvages à côté de votre maison de campagne, si vous en avez une, de bosquets et de petits bois qui sont tronçonnés tous les jours. Donc voilà, on est des urgentistes et on essaye de proposer des solutions quand elles sont possibles. Et parlons de la France, alors vous allez faire un constat sur la France. D'ailleurs, votre association a publié chez Artaud un atlas de la France toxique. Alors de quoi s'agit-il exactement? Alors c'est quelques exemples des principales pollutions auxquelles le territoire français est soumis. Par exemple, ça va être les sites pollués par les PCB, donc c'est une substance cancérigène qui a été abondamment produite. Alors c'est Monsanto encore, hein, dans les années 30, qui a inventé cette molécule, qui savait dès les années 37 que c'était toxique. Et pourtant, ça a été utilisé jusqu'à l'aube des années 2000. Donc, on a à peu près 700 sites pollués en France par cette molécule. On les a répertoriés, ainsi que les fleuves et les rivières polluées par cette molécule. Mais on parle aussi des déchets de guerre. La France a été le théâtre de 3 conflits mondiaux qui ont laissé un nombre très important de munitions tirées, non explosées. Certaines chimiques, d'autres conventionnelles qui polluent les sols. Vous avez, par exemple, à Verdun, la place à gaz, qui est une zone totalement morte, parce qu'elle a servi de zone de destruction de munitions chimiques. On parle aussi de la pollution acoustique, de l'utilisation des pesticides. Voilà, c'est un panorama de pollution connue ou méconnue, comme les bouts de dragage, pour montrer que le territoire français aussi est concerné, est hautement concerné par tous ces problèmes, tous ces problèmes sanitaires et environnementaux. Dernière question totalement adossée à l'actualité. Qu'est-ce que vous attendez de la COP24 en quelques secondes? Il ne nous reste que 20 secondes. Ah bah déjà, j'attends que les pays, quand ils prennent des engagements, les respectent. Voilà. Absolument. Voilà. Ça sera c'est le premier, oui. Premier vœu. Bah, voilà. Il est important. Oui. Merci infiniment. Merci Charlotte Nittard, dont je rappelle le livre que vous avez coécrit avec Bernard Dussol, qui s'appelle Le cargo de la honte, l'effroyable odyssée du Probo Koala chez Stock. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission, actuellement au Tristan Bernard à Paris.